Madame Dorja, elle avait un fusil et allait tirer sur son mari. M'enfonçant un peu plus dans la forêt, je découvre le pauvre corps inanimé de Jean-Marcel Dorja. Une balle de fusil dans l'œil droit. En rentrant de la cueillette un peu plus tard, je rencontre le curé, le père Tricotard. Il avait un couteau, aux pêcheurs il leur ferait la peau. Pénétrant dans la petite église du village, je découvre avec horreur le grand carnage. Les fidèles étaient morts, des blessures sanglantes sur le corps. Faisant une main courante à la police, je dénonce les coupables de ces vices. Me voilà arrêté, non assistance à personne en danger. Allongé sur la banquette de la prison, mon voisin sort de sa poche un poinçon qu'il se plante dans le cœur et gît au sol dans la douleur. Après 40 ans de détention pénible, la vie à l'extérieur n'est plus possible. Pour trouver mes barreaux, j'assassine le premier poivreau. La morale de cette funeste chanson, c'est que l'homme peut perdre d'un coup sa raison. Mais le pire dans tout ça, c'est que les autres peuvent payer les dégâts. Si vous voulez vivre en paix tranquillement, je vous conseille l'ermitage vivement. Peut-être qu'on se fait chier, mais les ennuis ne risquent pas d'arriver. Thank you.